Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre émission spéciale rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et cette semaine, nous allons revenir à la fin des années 70 dans la province française, comme le disent si mal nos confrères parisiens. Je veux parler de Rouen. Rouen qui a joué un rôle clé à la fin donc des années 70 avec au moment où plus exactement de l'explosion punk avec deux groupes principaux, les Olivenstein d'abord qui étaient vraiment très punk, et puis celui qui va nous intéresser, qui va faire notre fil rouge ce soir, c'est le groupe de Dominique Laboubé qui s'appelle les Dogs. Alors les Dogs en fait ont c'est vraiment un groupe marquant pour l'époque parce qu'ils ont réussi à faire une espèce de synthèse assez magique entre le punk naissant et son énergie, et puis des années d'influence garage, de pub rock, de choses un peu 60s. Ils ont eu des albums qui étaient absolument fabuleux, hein, n'ayons pas peur des mots, dont un qui s'appelait Too Much Class for the Neighborhood, et pour ceux qui parlent pas très bien anglais, ça veut dire qu'ils se sentaient avoir trop de classe pour leur entourage, et ce qui était vraisemblablement le cas. Donc un ovni dans cette époque, ce qui va nous permettre en fait de faire une émission qui va laisser la belle part aux Dogs et puis à tous les styles auxquels ils ont pu toucher. Ça va donc du garage, de la pop 60s, au punk, au rock'n'roll traditionnel. Et donc c'est parti pour 2 heures. shipwreck across the sea. She on the shoreline and I see her dying. She got the moonlight. Oh! Il est vrai que Steiner faisait une description terrible des horreurs et des lâchetés des Juifs prêts à tout pour survivre, pour y fonder sa liaison dialectique entre la perdition et la rédemption au service d'une réhabilitation posthume de toutes les victimes, même les pires, surtout les pires. Si la reconstitution de ce qu'ont été les Sonderkommandos a été largement corrigée depuis, Chaumont veut montrer l'appui qu'un Landsman y a pris pour dénoncer comme obscène toute question du type « Pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé ?» et revendiquer la justification de la volonté de survivre pour témoigner. Jamais je ne saurais trahir un serment dans le projet de folles espérances. Les secrets resteront secrets encore longtemps. Tu désignes ta victime. Tu as brisé bien des cœurs. Hanté toutes mes nuits, des voiles et des mystères. Un des plus beaux soirs de ma vie. Notre histoire n'est l'histoire de personne. Et jamais je ne saurais trahir un serment. Malgré les jours qui changent tant que ma passion. Nos secrets resteront secrets encore longtemps. Histoire de personne. Et jamais je ne saurais trahir un serment dans le projet de folles espérances. Ces secrets resteront secrets encore longtemps. We'll be right back. got some strange ideas on how life should be lived and things should be done. And I'm here to say you gotta do just what you want. And when they stop, they talk, talk, talking. Remember just one thing. contre Lanzmann, Chaumont rejette l'idée que la survie à ce prix puisse être dialectiquement élevée au rang de sanctification de la vie. C'est qu'il voit dans cette dialectisation la source de ce qui deviendra ensuite, sous la plume de Terence Després et d'autres, une éthique de l'héroïsation des survivors, de leur résilience et de leur compétence de survie, appropriée à l'idéologie ultralibérale de la concurrence généralisée. On peut cependant penser que si la dénonciation des dérives idéologisées de la morale de la survie touche juste, la charge contre la réhabilitation des Sonderkommandos et la manière de parler d'eux mériterait plus de précautions. Studio 3, on va voir maintenant trois Rouennais qui font de plus en plus parler d'eux, et c'est bien. Et paradoxalement, eux, bien qu'ils soient donc français et pour cause, ils chantent en anglais. Leur premier album était tout en anglais. C'est les Dogs à propos, hein. Leur deuxième album vient de sortir, tout en anglais également, mais ils y ont ajouté un 45 tours avec deux chansons en français. Alors peut-être que leur prochain album sera moitié anglais, moitié français. La chanson s'appelle « Cette ville est un enfer », les Dogs. Les Dogs, cette ville est un enfer. Ça fait donc partie du 45 tours qui accompagne leur dernier album. We'll be right back. Les femmes violées constituent le troisième groupe auquel s'intéresse l'essai. Le terme de survivante appliqué à leur sujet aurait pu surprendre il y a encore une dizaine d'années, mais il est désormais répandu avec une intention militante assumée, en particulier aux États-Unis, où les femmes qui ont subi un viol se qualifient volontiers de survivors dès qu'elles revendiquent d'avoir dépassé la condition de victime. Chaumont rappelle qu'elles ont longtemps été vouées à la honte, comme si le fait même d'avoir survécu au viol valait consentement au déshonneur ou preuve qu'elles ne s'étaient pas assez défendues. Il enquête sur l'évolution des sensibilités culturelles et morales, depuis le blâme aux victimes jusqu'aux théorisations féministes contemporaines qui ont travaillé à débarrasser les survivantes de cette culpabilité et déconstruit les logiques sociales pernicieuses de l'honneur familial, en passant par un exercice d'imagination morale pour tenter d'interpréter, de toutes les manières possibles, les motivations du suicide de Lucrèce racontées par Tite-Live. Too soon, dear darkness, you can't be the only just that I have left to say. I'll see you when I see you from afar, and that's okay. Oh, oh, dear darkness, I guess the point is I've been moving on. I suppose I'll see you, but let's hope it's not too soon. D'abord, saluer la lucidité et le courage d'Habermas, parce qu'en effet, après avoir passé tant d'années à développer un système philosophique qui a une cohérence extrême, qui a beaucoup d'intérêt, il se rend compte quand même que, effectivement, la philosophie politique en particulier doit en quelque sorte faire face à des événements qui font irruption. Et en l'occurrence, bien sûr, la violence a toujours existé. On ne peut pas dire que Habermas ne l'a pas vu plus tôt, Dieu merci. Mais au fond, le 11 septembre a fait réaliser un certain nombre de philosophes que les démocraties libérales elles-mêmes devaient y réfléchir et devaient être confrontées de manière cruciale à ce phénomène. Thank you. get you off my line. Tried in vain, tried so hard. We didn't try to help it. Oh. A little girl in anger. We were like brother and sister. Your brother, my mercy, though. I saw you falling in much better. Much better today. It's not my time. It's what we used to say. Today I'm back on the horse. Back on the horse and I too. But is it to live all alone? Is it to live with someone? That problem can't be slow. Questions no answer. We didn't try to help it. I'm sorry for feeling much better. Sorry for feeling much better today. It's not enough that or whatever we say. Today I'm back on the horse. Back on the horse without you. The Dogs. Yeah. four bones and sell the rest to scrap. Oh yeah. You might hear my woes, but you can never truly know. Cause these scars are my own, and I don't ever want. Oui, évidemment, ça peut paraître totalement paradoxal, et vous avez raison de le souligner. Si on essaie de se placer d'un point de vue historiographique, on pourrait répondre à votre question de deux manières. La première, c'est que on peut s'interroger peut-être à nouveau frais sur ce que c'est que l'acte de la découverte, et peut-être qu'il y a un premier élément de réponse là, très, très sommaire, qui peut être apporté à votre question, c'est que la découverte, à partir d'un certain moment, et peut-être précisément celui qui m'intéresse dans ce livre, c'est la mise en savoir qui est liée à un espace dont, en effet, on connaît l'existence, puisque, comme vous l'avez indiqué de manière tout à fait juste, il y a bien longtemps que les Européens, en tout cas cette partie extrême occidentale de l'Eurasie, a des contacts avec, avec cette partie du monde. Pour autant, elle n'est pas nécessairement enregistrée dans la carte des savoirs, d'une manière générale. Et donc, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, précisément, toujours d'un point de vue historiographique, c'est que vous avez, à juste titre, évoqué les mutations profondes qui ont affecté l'historiographie et la manière d'écrire l'histoire. Il me semble que ce qui peut être intéressant aujourd'hui, en tirant le meilleur bénéfice possible de toutes ces expériences historiographiques, c'est de regarder les effets de connexion qu'a produit la découverte de l'Amérique, et du coup, à partir de cela, revisiter le dossier chinois à partir de l'analyse des processus européens de ce que j'ai appelé l'englobement du monde au XVIe siècle. Pop another drink, I'm done with fading away. Hey, look, I'm in mom, got a new haircut. I'm in love with you there, but I don't know where I'm going, and I'm still feeling nowhere. I never try, I never go to sleep. I just wanna survive, and I'm gonna find a plenty of kids. But it's always the most sound. I see nowhere in the world, nowhere for me, I know. Find it, uh-huh. Tell me what did I do to be so low, low, low for my soul. I wanna survive. I hope to be out there, hope to be together. I never try, I never go to sleep. I do the best that I can, and I've almost found a brand new song. What can I do if you say you don't like it? Just because you have to run after you, I see nowhere now. pick up my pain. I know I'll just get pills. Maybe it's all in my closing mind. We're living in modern times. Maybe it's in my mind. We're living in modern times. Turn the news off of TV. Look on the bright side and be glad just to be alive. I'll be happy right now if I come through this and survive. I'm not imagining this, I see the signs. We're living in violent times. Hey, I see the signs. We're living in violent times. Said I see the signs. Génération, Il y a toujours des disparitions d'été qui résonnent à la rentrée. Un vide qu'on a envie de combler avec la voix. On démarre en force avec les Dogs et un titre extrait de leur dernier album, Maureen. Ton petit micro, Dominique. Bon, tu vas m'expliquer un petit peu l'album. On va parler de l'album avant de parler du nouveau 45 tours qui va sortir après. L'album, il y a une reprise, une seule, dessus, de Gene Vincent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on aime bien Gene Vincent d'abord. C'est un truc qu'on jouait sur scène, on avait l'habitude de faire pour s'amuser en répétition. Ouais. Ça devait pas être sur l'album, mais on l'a fait, c'est notre producteur. C'est Vic Mel qui a travaillé avec les Inmates, Dr. Feelgood, Sainza. Il fait celui-là, ça me plaît, j'aime mieux ça. Dr. Phil Woods, vous avez joué en première partie, non, à Londres? Oui, c'était l'année dernière, on a fait 15 concerts. À la même époque, non? À peu près. Ouais. L'hiver dernier, on a fait 15 concerts en première partie. Et c'est en vous voyant en première partie qu'il a décidé de produire, ou c'était avant? Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Non, en fait, c'était deux choses complètement différentes. Nous, on nous avait proposé de faire ces premières parties pour Dr. Phil Woods. Bon, ce qu'on a fait, c'est, disons d'un point de vue strictement pour les concerts. Après, nous, on aimait bien Vic Mel, on aimait bien ce qu'il avait fait sur des disques qu'on connaissait, qu'on a fait l'habitude d'écouter. C'était complètement à part, on a tout simplement demandé. On lui a demandé de nous produire, il a dit oui, ok. Bon, je crois qu'il y a des groupes que vous aimez bien, enfin, un son que vous aimiez bien, les Cramps, les Fleshstones, ou des groupes comme ça, Inmates. Bon, c'est des groupes qui marchent pas trop, enfin, c'est fini pour eux-mêmes, on peut le dire carrément. Hein, bon, les Cramps, ils sont plus que deux. Les Cramps, ils sont plus que deux. Le Fleshstones, c'est terminé aussi. Comme, on voit en presse, ouais. mois. Bon. Ils reviennent en avril. Ils reviennent en avril, ouais. Bon, on verra ce que ça donne à ce moment-là. En tous les cas, vous, ça fait depuis quoi, 74 que vous êtes ensemble? Ça a commencé à bien marcher en 77. Bah, disons qu'on a fait ensemble, le premier 45 tours en 77, mais avec Mimi, avec le batteur. Ça fait au moins depuis 1974 qu'on est ensemble. Ça fait même plus longtemps que ça. Bon, premier 45 tours, c'était le producteur, c'était pas en Rouennais, c'est ça? Si, c'était en Rouennais. Ouais, il paraît qu'on le trouve plus, 45 tours. Maintenant, ça se vend au marché noir très cher. Ouais. Déjà, quel effet ça fait? Bon, ça fait plaisir. C'est, c'est toujours un peu flatteur de voir que le premier 45 tours qu'on a fait, ça devient un truc de collection. Ouais. C'est un petit peu ridicule aussi de voir le prix. Par moment, ça atteint des prix. Enfin, moi, je trouve ça un peu révoltant. Vous en avez un au moins, vous, d'exemplaires? Ouais, j'en ai trois. Vous avez intérêt à le mettre dans un coffre-fort maintenant. Bon, on parle des concerts parce qu'il y a une chose rare dans les groupes français, c'est les tournées à l'étranger. Vous, il y avait déjà eu l'Angleterre, ok. Mais maintenant, on va vous voir du côté d'Amsterdam, Oslo, Copenhague. Ouais, comment ça s'est décidé tout ça? Bah, tout simplement, on a changé une nouvelle agence. On a demandé à notre agent, on a trouvé un agent. Je lui ai demandé, avant de tourner en France, il faut qu'on puisse tourner à l'étranger. Il m'a dit ok. Bon, je l'aurais pas choisi si je savais qu'il n'avait pas pu le faire. Alors bon, il nous a trouvé une tournée, on va en Belgique, en Hollande, oui. Oui, Amsterdam, Bruxelles, Amsterdam. On a 6 ou 7 concerts en Suède. En février, tout ça. En février, tout ça, au mois de février. Et puis après... Un concert à Oslo, à Amsterdam en revenant. On a 25 concerts en France, au mois de mars, c'est tout le mois de mars, attends, un peu en Suisse. J'ai les petites dates, alors attends, je vais les donner les dates si j'y retrouve. Voilà, le 16 mars à Gaillac, ensuite le 17 à Toulouse au Pied, le 18 à Pau, et puis le 19 à Montpellier au Grand Odéon. Ça c'est pour les dates de nos régions, mais il y a 17 concerts, vous tournez pas mal. Il y a un public rock en France, il y en a certains groupes qui disent, il n'y a pas de public rock, non, on est obligé d'aller en Angleterre. C'est pas vrai, surtout en ce moment, c'est pas du tout. Ça marche pas mieux en Angleterre. Non, je pense que pour le rock, pour le genre de musique qu'on aime bien, c'est vraiment ici que c'est le meilleur public. Ouais. Bon, Daniel Boulanger vous écoutait tout à l'heure et disait, moi j'aime bien ce qu'ils font. Come on again.

Il est 7 heures du soir. Mais on pourrait croire qu'il est minuit. Look at me, I'm wondering why can't from the street and all human-like zones. I'd had it, I was mushed to the bones. I covered the windows, I was taking no calls. Then I thought for a month inside the alien walls. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. But I can recall. At a loss. What can I do now? Well, I called up a girl I knew for so many years. I'd seen her in shock, I'd seen the last of her tears. I admired her style, from her toes to her brain. She accepted my plan, and so she caught the next train. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. Now I know. Whoa. I can recall it all. I remember. Welcome home. We would secretly smile inside our surgical mask, but we were serious too. We accomplished our task. The schedule was followed, a daughter was born, and so her mother departed. I was left with her form. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. But I can recall it all. This is where it counts. Her education's begun. I'm intent on success. Her breathtaking beauty, it brings out my best. I once knew true love, she won't know another. Life is renewed, my little girl is my lover. Now I know, they don't tell you so. Now I know, they don't tell you so. Now I know, dans le langage courant, ça s'appelle disjoncter, partir en vrille ou plus familièrement péter les plombs, voire un câble. rebelles blues, un seul bruit d'une cavalcade. Le cavale sous les rails pour leur échapper, de Jaurès à Stalingrad. À quoi je pense, à quoi je rêve, FLN, résistance. Qu'est-ce que tu manigances, un complot d'indifférence. Là-bas les adultes qui bloquent la ville, tous les salons à l'état brut. Tu sautes la barrière, on te tire dans les jambes. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à foutre. Comme tes idoles qui traînent dans la chambre, tu danses le punk de la dernière chance. L'affaire Cambridge Analytica Facebook n'est qu'un épiphénomène d'un mouvement plus profond. Tel qu'il est actuellement pratiqué, le recours au big data et aux algorithmes a un coût. Celui du renoncement progressif à des principes et à des valeurs, comme la protection de la vie privée, l'exercice loyal de la concurrence ou l'accès aux informations permettant de se défendre lorsque des décisions nous affectent. Cette phase sombre de l'innovation technologique préoccupe en Europe, comme en témoignent les nombreux rapports récemment publiés par exemple par l'Opest ou la CNIL, mais semble produire ses effets les plus néfastes aux États-Unis. We'll be right back. people know. What's really wrong is gonna find out it's time to go. Just remember, don't give it up now. C'est ce qui ressort du livre de Frank Pasquale dénonçant les affres d'une société boîte noire. L'auteur y déploie la métaphore dans sa double dimension technique et conceptuelle. Désignant le système d'enregistrement embarqué dans les moyens de transport, par exemple les avions, une boîte noire est aussi un dispositif opaque et fermé, inaccessible au regard, selon les sens, que les sciences sociales, et notamment Latour, ont donné à l'expression. L'auteur constate ainsi que les citoyens états-uniens, et par extension tous ceux qui ont affaire aux entreprises états-uniennes, sont plus que jamais pistés et jaugés sans avoir la moindre idée de la façon dont leurs données circulent et sont utilisées, ni des conclusions qui en sont tirées. Un système opaque et déséquilibré permet, au contraire, aux agences gouvernementales et aux grandes entreprises de la banque, de la finance et du secteur des TIC, d'imposer la confidentialité de pratiques contestables. On a phone, I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time. You better think I lose my mind, 'cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright, I'm riding on a midnight train, but everybody does me the same. With some light and dirt of reflection, I'm lost, but I've got no direction. And I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on. Doesn't matter without you. Play the man thing I can't do. You lost your mind stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on. I'm far from home, stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded, far from home. Alright. Never met a world insane. The cut is the heart is the brain. The better now love will do. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you got the feeling alone, come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded.